Jean Lorrain, la princesse des chemins. Dans la plus belle salle de son palais, le roi a conduit par la main la mendiante. Là, entre les hautes colonnes d'onyx et de porphyre, dont le poli s'enfonce et grandit dédoublé dans le luisant dédale, il a fait monter sur l'estrade du trône qu'entoure une galerie d'or, une galerie telle la grille ajourée d'un cœur de cathédrale, et doucement, avec des yeux de prière, avec des gestes de pitié attendris, il y a fait asseoir. Et la mendiante a obéi. Résignée et muette dans son humble robe grise à trous, elle s'est laissée tomber sur les coussins du trône, a croisé l'un sur l'autre l'ivoire taché de sang de ses pauvres pieds nus. Et ses cheveux dénoués, du marron roux des châtaignes, encadrent de bandeaux un front si divinement calme et deux grands yeux si profondément purs que nul parmi les courtisans du roi et les hauts dignitaires ne s'est étonné du choix de son seigneur. Ô magique pouvoir d'une beauté ineffable ! Ô charme sûr et plus fort que l'ambition et que l'orgueil des grands, d'un pardonnant visage fait de souffrance et de douceur ! Elle n'avait eu qu'à paraître au tournant de la route ensoleillée et morne, les pieds nus dans la poussière et le vent des haies dans ses haillons pour entrer comme un coup de couteau dans le cœur du roi. Elle était si triste et si lasse, debout dans la chaleur accablante du jour, avec derrière elle la monotone et jaune nappe des blés, si lasse et pourtant si courageuse aussi. Et dans son geste qui demandait l'aumône, sa main tendue gardait une fierté. Le roi avait cru voir apparaître devant lui l'âme errante du peuple, la souffrance des humbles et des petits, mais l'âme du peuple demeurait haute, celle qui mendie ne se vend pas. Et puis cette flamme bleue du regard, vigilante et triste, le roi ne l'avait jamais vue dans les yeux d'aucune femme, non en vérité dans aucun œil humain, pas plus sous les paupières fardées des prostituées que dans les prunelles de caresses et d'oubli des dames de sa cour. Et le front bas devant la vagabonde, il avait pris sa main et, ébauchant le geste de poser la couronne sur ce front d'humilié, il s'était écrié « Celle-ci sera ma reine, j'en donne ma parole au doux seigneur Eros ». Et tous les serviteurs, leudes et vassaux du trône, avaient baissé la tête, acquiesçant à ce choix, comprenant son amour. Et maintenant, dans le silence de la haute salle fraîche, le roi se tient assis en face de la mendiante. Il la regarde ardemment, immobile et comme en oraison. Il la regarde, et l'humble pauvresse affaissée sur le trône, elle regarde de ses larges yeux purs, d'une infinie tristesse, par la fenêtre ouverte, le ruban de la route en fuite entre les blés et les nuées légères d'un ciel blanc de chaleur. Oh, ses yeux de mélancolie qui déjà s'enfoncent dans le passé et regrettent. Ses yeux, aveuglés par la joie et visionnaires d'amour, le roi ne les voit pas. Assis, un genou ployé vis-à-vis l'estrade où rêve et s'alanguit la dame de ses désirs, il la boite avidement du regard, étouffe entre ses lèvres de tumultueuses paroles, balbutie, la gorge serrée et sans voix, et sa couronne pend entre ses mains inertes qui le font plus pareil à quelque statue dans une armure d'acier niellée qu'à un être vivant. Au-dessus de sa tête, symbole d'un fervent espoir, une branche verdoie à travers la clôture d'or ajourée du trône. Et le roi guerrier regarde la pauvresse. Et la mendiante, accablée, déjà reine, regarde au loin, ailleurs. Ô méprise éternelle, ô cruelle ironie des bienfaits d'Eros ! Accoudés au rebord de la galerie supérieure, tout en haut, dans les frises de la salle, deux pages musiciens chantent. Deux dangereux pages à la beauté enfantine et perverse, l'air de deux filles sous leurs lourdes chevelures en boucle. Et la haute salle s'emplit en sourdine de leurs très tendres, très passionnées et très douces chansons. Jeune aujourd'hui, vieille demain, lève les yeux, et dans ta main posant ton front, écoute et pleure. Aime aujourd'hui, tôt viendra l'heure où ceux qui te disaient toujours n'auront plus pour toi de pensée. La peau couleur de cendre, à ton tour délaissée, tu verras, talons nus, s'effarer des amours. Va, livre donc ta bouche à la bouche amoureuse de ton amant. La vie est creuse, et l'amour seul l'emplit, qu'il soit blond, rouge ou brun, et tôt fini le désir de chacun. Dans le verger, l'herbe est haute et fleurie. Sous les pommiers, laisse, puisqu'il t'en prie, ton doux Seigneur s'étendre et pâmer près de toi. Vois, son haleine brûle. Qu'un tendre et même émoi vous fasse palpiter, cœur contre cœur, ensemble. Comme une fleur énorme, entre les arbres tremble l'ardente lune. Et minuit opportun a pour vous deux sonné l'heure des fièvres. Va, laisse mordre et becqueter tes lèvres. Tôt est fané le désir de chacun. Tôt viendra l'heure où dans les herbes folles s'effeuilleront et les douces paroles et les serments et les tendres aveux tels des boutons de rose en tes cheveux près de ta rose oreille. Tôt viendra l'heure où ta toison vermeille sur ton front blême apparaîtra de sel amer, et comme un vieil autel abandonné, tu fléchiras dans l'ombre, douce, en songeant aux caresses sans nombre dont te couvraient l'amant roux et le brun. Tôt est fané le désir de chacun. Tu compteras tous tes jours et tes heures, les mots qu'ils te disaient, leurs baisers, et les leurs du temps, aux noms vivants substituant des morts. Et tu diras combien l'un était désirable et l'autre aimant, et combien exorable et douce a respiré la douce vie d'alors. Aussi, jusqu'à ce que l'aube vienne et sépare la nuit ardente et le jour enlacé, d'étreinte et de sanglots, ah, ne sois pas avare et ne compte plus tes baisers. Aime-moi, serre-moi, prolonge mon délice jusqu'au jour. Ouvre grand, tout grand, tes yeux charmeurs. Repose-toi plus près. Appuie à ton front lisse mon front moite. Et dis-moi que tu meurs. Oh, mon sang se retire et tout mon cœur défaille. Je hennis en humant l'odeur de nos péchés et de tuer d'amour comme un soir de bataille. Tous les chemins d'amour, cette nuit, sont jonchés. Et dans le silence, les douces voix s'appellent et se répondent l'une après l'autre, égrenant les périlleux conseils de leur ardente supplication d'amour. Aime aujourd'hui, tôt viendra l'heure où ceux qui te disaient toujours n'auront plus pour toi de pensée. Morose et triste prophétie dont les regards extasiés du roi proclament et répudient hautement le mensonge, mais dont paraît bien se soucier, en effet, la fille errante des grands chemins. Assise sur le trône, elle ne voit pas plus le prince en adoration à ses pieds qu'elle n'entend la brûlante requête entremetteuse des deux pages penchées à la galerie des frises au-dessus de sa tête. Comme une hallucination la possède, et dressée dans une sorte d'extase, ses grands yeux de clarté fixant on ne sait quelle nostalgique vision, d'une main, elle s'appuie au coussin de soie violacée de l'estrade et de l'autre tient, serré sur sa poitrine, un bouquet de fleurs des champs. Deux campanules bleues gisent tombées sur les marches du trône, deux campanules du bleu de ses yeux de voyante qu'emplit le bleu mystique dont ne sait quel horizon. Au fond, dans l'encadrement de la fenêtre ouverte, un chaud paysage de soleil et de récolte apparaît tout gris de poussière, comme à travers les barreaux d'une geôle.